Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 17 juin 2017. Voici les grandes articulations de cette édition. La ministre de la Justice met en garde tous les magistrats et greffiers qui ne travaillent pas comme il faut et précise qu'elle a déjà constitué une liste noire de membres du personnel de son ressort qui seront les premiers à subir des sanctions d'ici mois s'ils ne changent pas de comportement. Et le porte-parole du président de la République a réaffirmé hier que rien ne saurait empêcher au président de la République de se représenter aux prochaines élections présidentielles puisque le peuple burundais a émis ce souhait. C'était dans l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions à Tchankou. Vous aurez également la réaction du vice-président du parti savoyen Frodebou à ce sujet. Léonce Ngendakoumana est contre cette analyse. Une personne est morte la nuit dernière dans une attaque armée contre un débit de boisson sur la colline Maranvia, en commune de Burambi de la province Rumonge. Trois suspects sont dans les mains de la police. Vous aurez également à suivre la revue de presse. Ce sera après ce journal. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Ce journal est mis en onde par François Akimana. En voici le développement. Le porte-parole du président de la République fait savoir que rien ne saurait empêcher le président de se représenter aux élections au moment où les Burundais ont demandé qu'il n'y ait plus de limitation de mandat présidentiel dans la Constitution. Jean-Claude Karegwa l'a dit au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions ce vendredi. Il demande le respect de la volonté du peuple. Suivi Jean-Claude Karegwa, traduit en français par Charles Makoto. Les Burundais ont bel et bien demandé qu'ils puissent choisir eux-mêmes le président et qu'ils aient la possibilité de pouvoir l'élire de nouveau. Cela autant de fois que possible jusqu'à ce qu'eux-mêmes décident de le déposer. Si cela est le vœu des Burundais, qu'ils soient respectés. Leur volonté ne peut nullement être mise en cause par qui que ce soit. S'ils le veulent, s'ils le désirent, comme il l'a dit, personne ne va refuser ce que veut la population. En plus, que les gens comprennent, la constitution a été changée en Ouganda. Les Ougandais et la communauté internationale ont applaudi. La constitution a été changée au Rwanda. Les Rwandais et la communauté internationale ont applaudi. Si ça change au Burundi, qu'on demande ce qui a été demandé ailleurs. Que les gens comprennent que c'est si simple, comme ça a été au commencement, qu'il en soit ainsi aujourd'hui et pour toujours. Voilà, c'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa. Et le vice-président du parti savoyen Frodebou rejette en bloc les propos du porte-parole du président de la République, selon lesquels la constitution burundaise peut être modifiée comme les autres textes des lois ont été au Rwanda et en Ouganda. Léonce Ngendakoumana estime qu'il n'est pas opportun de toucher la constitution burundaise parce qu'elle a joué un rôle crucial dans la réconciliation du peuple burundais. Je pense que le porte-parole du président de la République ignore complètement comment est-ce que les Burundais sont parvenus à confectionner cette constitution. La constitution de la République du Burundi n'est pas une constitution comme les autres constitutions qu'on voit un peu partout dans le monde, encore moins au Rwanda et en Ouganda, parce qu'il s'agit des engagements que nous avons pris pour réconcilier le peuple burundais, pour assurer l'unité et la cohésion du peuple burundais, pour assurer la démocratie, la bonne gouvernance dans ce pays, pour assurer la paix et la sécurité dans ce pays, sur base de partage du pouvoir, sur base de l'inclusivité de presque la totalité des groupes, jusqu'à ce qu'il y ait la transformation complète de notre société, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réflexes d'exclusion, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réflexes ethniques. Donc, c'est un contrat que nous avons signé. Ce n'est pas une simple constitution comme les constitutions qu'on écrit uniquement pour accéder et gérer un pouvoir. Si les gens ont soif uniquement d'accéder et gérer le pouvoir et ignorer l'unité et la cohésion du peuple burundais, ignorer la démocratie et la bonne gouvernance, ignorer le développement économique et social intégré, là, ils peuvent continuer à tripoter cette constitution. Regardez la crise que nous traversons à cause de la tentative de faire du bricolage dans cette constitution qui a échoué. Et imaginez-vous si aujourd'hui on devrait reprendre la même chose uniquement pour l'intérêt d'une ou de deux personnes. Le vice-président du parti savoyen Frodebou explique également que cette constitution doit rester comme elle a été conçue car les Burundais ne se sont pas encore mis sur une table pour évaluer la mise en application de son contenu. Encore une fois, Léonce Ngendakoumana. Puisqu'il s'agit d'un contrat pour la stabilité du Burundi, pour créer un ordre politique, économique et social au Burundi, à son pays, pour autant qu'il n'y a pas encore le débat sur l'opportunité de changer un tel système inclusif, un tel système qui a redonné de l'espoir au peuple burundi, à la communauté internationale, un système qui a permis au Burundi même d'aller donner des leçons ailleurs, en Somalie, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. Le Burundi est en train de donner des leçons à cause de cette constitution et de cet accord d'Arusha. Alors si les gens veulent rompre avec tout ça, uniquement pour se maintenir au pouvoir ou accéder au pouvoir par la force, ils peuvent le faire. Mais je vous dis tout de suite, s'ils tentent encore une fois le forcing, comme ils l'ont fait en 2014, après que le Parlement ait refusé de l'amender, je vous dis qu'ils vont maintenir le peuple burundais dans la souffrance, ils vont maintenir le peuple burundais dans la misère, dans le chômage, dans la pauvreté, dans l'insécurité, et ils en seront responsables. Ni le peuple burundais, ni le Burundi ne vont pas en profiter, ni eux-mêmes ne pourront pas en profiter. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un débat sur l'opportunité de changer entre le système politique, et deux, il faut qu'il y ait un débat sur le type d'amendement qu'il faut apporter à cette constitution. Le forcing est exclu. Voilà, c'était le vice-président du parti Sawanya Frodebou. Il est 13h03 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une personne est morte fusillée la nuit de ce vendredi. C'était lors d'une attaque armée perpétrée par des hommes non encore identifiés contre un débit de boissons sur la colline Maranvia, commune Burambi de la province Rumonge. Les mobiles de l'attaque restent inconnus. D'autres détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misago. Singirankabo Candide, d'une cinquantaine d'années, est directement tombé sous les balles qui ont troué la porte du cabaret dans certains Niamungere Jean-Claude, sise sur la sous-colline Kiganza, dans un endroit communément appelé Kumusaga, une porte qu'elle tentait de fermer pour tenter d'éviter que les bourreaux n'y entrent. C'était vers 20h de ce vendredi. Balthazar Niungeko, chef de secteur Maranvia, qui était sur place, informe que c'était une pure criminalité, car après ce forfait, aucun bien n'a été volé. Les malfaiteurs ayant pris l'orage quand la population commençait à crier au secours. Même si les malfaiteurs n'ont pas été directement identifiés, au PSA Andonatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, informe que trois personnes de cette sous-colline Kiganza, dans la localité communément appelée Kunyoni, ont été arrêtés pour enquête. C'est sur cette même colline, mais cette fois-ci sur la sous-colline Donzi, qu'avait été retrouvé il y a une semaine un fusil de type Kalachnikov et son chargeur garni, emballé dans une veste imperméable policière, mais dont les propriétaires n'ont pas été identifiés. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et la police burundaise nie toute implication dans le dossier de disparition et réapparition d'une femme du nom de Chubga Céline et du quartier Guissio de la zone urbaine de Kanyosha, disparue mardi soir, pour revenir chez elle ce vendredi matin. Pierre Ngourikiye, porte-parole de la police, qualifie sa disparition de kidnapping simulé qui visait un vol d'argent. Il explique que la police s'en est mêlée pour enquête. Il appelle la population à dénoncer ce genre de vol pour déjouer ces kidnappings simulés. Suivez-le au téléphone avec Placide Niyomungere. Tout d'abord, c'était pas un kidnapping, c'était un simulacre de kidnapping qui a été perpétré par les membres d'une famille, une mère avec d'autres gens bien sûr, et pour pouvoir dépouiller de l'argent et le fils de cette mère qui était supposé être la victime de ce kidnapping. Un agent du service national de renseignement s'en est mêlé comment? Il a été alerté par des gens qui lui disaient qu'il y avait une femme qui avait été enlevée. Et puis, il a fait son travail d'enquête. C'est la raison pour laquelle il est apparu dans ce dossier. Donc, il ne faisait que le travail d'enquête qu'il fait normalement. Les membres de la famille auraient vu un membre du service national de renseignement venir avec deux personnes pour charger le fils de cette dame. Est-ce que on peut dire que ce n'est pas une implication comme telle? Lorsque un enquêteur recherche des témoins et qu'il les amène témoigner, cela ne veut pas qu'il est impliqué dans l'affaire. Heureusement d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient impliquées dans son kidnapping simulé ont été appréhendées et un dossier est en train de se confectionner pour qu'il soit déféré par des balles. Pour le moment où on observe quelquefois des personnes qui disparaissent bien à l'évier, est-ce qu'on peut les qualifier de kidnapping simulé? La plupart des fois, ce sont des kidnappings simulés qui sont perpétrés dans le but de rechercher de l'argent. Une personne est sauvée, cachée ou alors elle est cachée par d'autres pour que après il puisse aller demander à sa famille de donner une somme importante d'argent, arguant que la personne a été enlevée alors qu'elle est cachée quelque part et elle est d'ailleurs impliquée elle-même. C'est donc une façon de voler, de les dépouiller, de donner l'argent. Qu'est-ce qu'alors la police est en train de faire pour déjouer ce genre de kidnapping? C'est de mener des enquêtes chaque fois qu'il y a des cas pareils. La police demande à toute personne qui est au courant, une personne qui a été kidnappée ou alors qui est disparue, de s'approcher de cette police et de dénoncer ce qui s'est passé et attendre pour qu'elle puisse débuter vite les investigations et appréhender les auteurs de ces kidnappings similaires. Le commissaire Pierre Ngourikiye, porte-parole de la police nationale, au téléphone avec Placide Niyomongere. Je vous l'avais dit dans les titres, la ministre de la Justice met en garde tous les magistrats et greffiers qui ne travaillent pas comme il faut et précise qu'il s'agit d'un dernier avertissement qu'elle donne après concertation avec les différents chefs de service. Laurentine Kanyana Martel en disant qu'elle a déjà constitué une liste noire de membres du personnel de son ressort qui seront les premiers à subir des sanctions s'ils ne changent pas de comportement d'ici mois. Ces sanctions vont jusqu'au licenciement. Voici la correspondance de Blaise Pascal Kararoumié depuis Karoussi. Le ministre de la Justice indique qu'il a déjà constitué une liste noire de certains des magistrats et greffiers qui travaillent mal et sèment la haine parmi les habitants au lieu de les réconcilier. Laurentine Kanyana l'a signalé ce vendredi au chef-lieu de la province Karoussi dans une rencontre avec tous les magistrats et greffiers qui œuvrent dans cette province. Dans cette rencontre, il a fait savoir qu'il donne le dernier avertissement pour ces magistrats et greffiers qui pressent dans le sens de diviser la population. La ministre affirme qu'il accorde un délai de grâce de 6 mois pour que ces derniers puissent se corriger, indiquant qu'à la fin de cette période, des sanctions allant jusqu'à la révocation et démission seront prises à leur rencontre. La ministre conseille aux magistrats de revenir à la déontologie et viser du sens social dans leurs prestations. Signale que les cas de rébellion qui sont observés sur le terrain sont conséquences des jugements qui sont émaillés de beaucoup d'irrégularités, des jugements qui ont été mal rendus ou bien des jugements qui ont été mal exécutés. Il signale notamment le cas d'un homme qui vient de tuer, il n'y a pas et moi, son petit frère, à la colline Kigoma de la commune Mutumba, de la province Karoussi. Et le ministre affirme que ce jeune homme a été tué parce que, sur place, les magistrats n'avaient pas bien rendu le procès qui les opposait. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganeo. Merci Blaise. Toujours dans les nouvelles des provinces, les habitants d'Ongozi ayant acheminé leur café à la station de lavage de Gisagara se lamentent de la lenteur observée dans le paiement par la Sogestal Ngozi de la première tranche de la campagne café. Les caféiculteurs déplorent le non-respect du rendez-vous qui leur avait été annoncé pour ce jeudi par cette société mise en vente. Reportage d'Apollinaire Muzagara. Chaque affection des collines proches de cette station de lavage de Gisagara devrait être payé avant la fin du mois de mai passé, mais en vain jusqu'aujourd'hui. La Sogestal Ngozi leur avait donné comme programme jeudi le 15, mais ce rendez-vous n'a pas été aussi respecté. Les caféiculteurs ont attendu toute la journée et ont fini par rentrer très tôt. Les habitants d'Ngozi demandent qu'ils soient payés le plus rapidement possible en vue de satisfaire certains besoins les plus urgents. Ils craignent même la situation de l'année passée où certains caféiculteurs ont passé plus d'une année sans être payés. Le directeur général de la Sogestal Ngozi indique que le premier rendez-vous de ce jeudi n'a pas été respecté car le programme qui leur avait été montré était provisoire. Angéry Soubalibounié tranquillise néanmoins qu'un autre programme définitif qui permettra à ces caféiculteurs de Gisagara d'être payés la semaine prochaine est en cours d'élaboration. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et pour terminer ce journal, l'association œuvrant dans la lutte contre les catastrophes au Burundi, ONACOM, demande au Burundi d'éviter tout acte visant à détruire l'environnement en favorisant la désertification par la coupure des arbres. Marius Ngendakuriyo, président de cette association, trouve que les catastrophes naturelles sont liées à la désertification, d'où il appelle la population burundaise à reboiser leur milieu. Il le dit à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse, une journée célébrée sous le thème « La terre, notre maison, notre avenir ». Suivez. Il y a des actions ignobles où on rencontre des gens qui brûlent les forêts par des feux de brousse, soi-disant en train de chercher des pâturages. Aussi, il y a d'autres qui essayent de couper les arbres à masse sans toutefois les remplacer. Ça, c'est un problème majeur qui peut même occasionner des problèmes liés au changement climatique. Vous voyez des inondations qui se manifestent souvent, les soleils accablants. On a comme d'abord propose au gouvernement de mettre en place une politique claire permettant la protection de l'environnement, tenant compte aussi de la pression démographique. J'invite la population où chaque personne est invitée à planter des arbres, à se mettre ensemble comme des organisations afin de pouvoir planter beaucoup d'arbres dans le strict respect de ces normes. Si on laisse un arbre grandir, ça contribue au bois de chauffage avec des forêts. Ça incite aussi les animaux sauvages à revenir pour s'y installer. Aussi, ça donne, je dirais, un climat favorable qui peut inciter même les touristes à venir pour contempler les merveilles du Burundi. Voilà, c'était le président de l'association œuvrant dans la lutte contre les catastrophes au Burundi, Onacom. Et c'est Marius Ngendakuriyo. Il est 13h12 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. La ministre de la Justice met en garde tous les magistrats et greffiers qui ne travaillent pas comme il faut et précise qu'elle a déjà constitué une liste noire de membres du personnel de son ressort qui seront les premiers à subir des sanctions d'ici 6 mois. Et puis, le porte-parole du président de la République a réaffirmé hier que rien ne saurait empêcher au président de la République de se représenter aux prochaines élections présidentielles, puisque le peuple burundais a émis ce souhait. C'était dans l'émission publique des porte-parole des différentes institutions à Tchankouzo. Vous avez suivi la réaction du vice-président du parti Sawanya-Frodebou à ce sujet. Léonce Ngendakumana est contre cette analyse. Une personne est morte la nuit dernière dans une attaque armée contre un débit de boisson sur la colline Maranvia, en commune de Burambi de la province Rumu. Mongue. 3 suspects sont dans la main de la police. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour la mise en onde. Et tout à l'heure, Mireille Kanyangé me rejoint pour le journal des journaux. J'ai nommé la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu revient sur la 35e session du Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme. La commission d'enquête sur le Burundi parle de graves crimes qui se poursuivent, alors que Taboure Nova, ambassadeur du Burundi en Suisse, condamne le rapport de cette commission qu'il qualifie de partial et tendancieux. Dans son éditorial, Iwachu écrit que le Burundi a participé à sa manière à cette session. Il a été représenté par son ambassadeur en Suisse. En l'absence de la délégation de l'exécutif burundais, la commission d'enquête sur le Burundi a dressé un tableau qui se résumerait en ces termes: persistance de graves violations des droits de l'homme dans un climat de peur généralisé. L'ambassadeur burundais l'a rejeté. De son côté, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Jean-Baptiste Baribonekeza, a indiqué que malgré la peur, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée. Et aux représentants de la Tanzanie à cette session de Genève, de faire remarquer que la solution de la crise que traverse le Burundi et le dialogue inclusif, les États-Unis de leur côté, ont demandé au gouvernement burundais de permettre à la commission d'enquête de faire son travail. Dans un débat animé le 2 juin, le chargé de la communication et le porte-parole à la présidence de la République du Burundi avait souligné que le Burundi n'attendait rien de bon de cette session. Le ministre des Droits de l'Homme a abondé dans le même sens dans sa conférence de presse animée le 14 juin. Des balises sont nécessaires pour éviter les fraudes dans les évaluations nationales. Titre le journal La Voix de l'enseignant. Pour échapper aux sanctions des écoles ayant obtenu de mauvais résultats, certains directeurs et enseignants pourraient être tentés de favoriser la tricherie de leurs élèves au concours national et à l'examen d'État. Le syndicat des enseignants CONAPES demande que toutes les mesures soient prises pour dissuader ces intentions de fraude. Toujours dans le journal de l'enseignant, il propose que le concours de 9e soit surveillé par les enseignants qui ne dispensent pas les cours dans cette classe et que les directeurs communaux de l'enseignement ne conservent pas les colis des évaluations avant et après leur passation. Le journal Burundi Echo écrit sur la passation du concours national prévu du 20 au 22 juin 2017. Certains élèves des classes de 9e fondamentale se lamentent du délestage du courant qui limite le temps de révision des cours. Les livres qui ne répondent pas à l'effectif des élèves ne leur facilitent pas aussi la tâche. Et au journal Iwachu d'écrire que certains directeurs d'école sont inquiets de la récente mesure du ministre de l'Éducation nationale, les avertissant qu'ils ne doivent pas être en dessous de 30% dans les examens d'État. Revue de la presse. Le journal Burundi Echo écrit également sur les grossesses non désirées en milieu scolaire. 116 cas de grossesse non désirée en milieu scolaire ont été répertoriés en province Rumonge, poursuit-il, dont 60 en commune Rumonge seulement. Cela a été dit par Anissé Niongabo, deuxième vice-président du Sénat, ce mardi 7 juin 2017. C'était lors d'un atelier de sensibilisation des élèves de cette commune contre les grossesses non désirées et les mariages précoces. Toujours dans ce journal, nous lisons « Les causes de ce fléau sont les motards qui trompent ces élèves en leur donnant de l'argent, les fonctionnaires et plus particulièrement régulièrement, les enseignants sont pointés du doigt par ce représentant du peuple. Juvenal Wigirimana, gouverneur de cette province, a indiqué que les pêcheurs constituent une autre catégorie de personnes dangereuses, lit-on dans Burundi Echo. Le centre hospitalo-universitaire de Kamenge se vide de ses médecins, écrit l'hebdomadaire Iwachu. À cet hôpital, des patients dénoncent une extrême rareté de médecins spécialistes. Une mère que Iwachu a rencontrée le mardi 13 juin, désespérée, cherchait en ORL pour opérer la langue de son enfant de 6 mois, mais la réception lui annonce que le médecin n'est pas disponible. Plus loin, une garde-malade affirme que le patient qui vient de passer 2 semaines alité souffrant d'un cancer de foie n'a reçu que des visites. Le docteur Léonard Bibahagoumigné, directeur adjoint chargé des soins au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, confirme cette carence de médecins. La gynécologie étant le service le plus touché. Il évoque comme raison essentielle la fermeture du 3e cycle en médecine. Ce programme de spécialisation jadis dispensé à cet hôpital a été annulé par le gouvernement en 2014, regrette-t-il. Dans son classement hebdomadaire, Iwachu met en hausse les Inhamba, l'équipe nationale du Burundi, pour avoir battu les Tigres de l'Afrique, l'équipe nationale du Soudan du Sud, sur un score de 3-0. C'est dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tiendra au Cameroun. En baisse se trouve Fabien Hakizimana pour avoir octroyé indûment des primes à 11 fonctionnaires de ce ministère grâce à des cachets frauduleux. Chaque victime lui reversait les 2/3 de la somme perçue, poursuit Iwachu. Ainsi s'achève cette revue de presse. Elle vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de bons moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.